Kasi ya libala Ezali sekele ya mitema Iye manakate na libala O libala elenge Oka Enoko ya libala Eba na kina hede Mobali kaka moko Na mwasi pe kaka moko Nisi anzame lelo yue poki sabi Meloko ya libala eba na kina edeni Mobali kaka moko na mwasi be kaka moko Ika nisi anzame lelo yue poki sabi Yeah.